partout dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On parle du plus récent numéro du journal Zone Campus avec la rédactrice en chef Audrey Tremblay. Et je vous parle de ce qui s'en vient à l'UQTR. Assemblage requis, ça commence tout de suite! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées, en temps direct des studios de CFO à Trois-Rivières, ce lundi 10 janvier 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Salut, FO. Ça va bien? Ben oui, passez un beau temps des fêtes. Beau temps des fêtes, ça a passé extrêmement vite. Toi, Mathieu? Très beau. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est déjà vu cette année à date. Comme c'est vu, parce que je sais pas. En 2011? Il me semble qu'on était de retour au travail la semaine passée déjà. Fait qu'il n'y avait pas d'émission. Il me semble, mais je suis pas sûr de ce que j'avance. T'as raison. Ça se peut, hein? Oui, ça oui t'as raison. C'est là qu'on s'est vu. Hey, bonne année 2011. Je te souhaite en fait le plein de bonheur, plein de succès, santé. T'as-tu pris des résolutions? J'aime pas prendre des résolutions parce que je sais qu'elles tiendront pas, mais en même temps, c'est le but d'une résolution, donc je m'en suis donné une. C'est quoi? De faire tout le temps le contraire de ce que je penserais faire. Hein? Tu sais, dans la vie, genre, des fois, aller à l'encontre de ce que j'aurais fait par défaut. Tu comprends ça? Des fois, dans la vie, les décisions que je prends sont pas toujours les meilleures. Donc, je me suis dit, fais le contraire des fois. T'sais. Donc là, tu vas faire plus souvent le contraire, non? Attends un peu, je me suis donné la résolution, donc je ferai pas ça. tu vois comment je fais le contraire de ce que je pensais que j'allais faire? Mathieu Plante. Ouais. Toi? Écoute, non, résolution, peut-être avoir moins d'attentes au niveau personnel. Tu sais, des fois, on se fixe des objectifs, ce truc-là. Tu mets la barre haute un peu, là. Ouais, des fois, oui, je pense que oui. Puis, ouais. Me reposer aussi. Mm-hmm. Prendre le temps de vivre. Ouais, c'est fait pas ça souvent. Mais, en tout cas, cette année, je vais essayer. Enfin. Moi, je vais essayer de pas parler par-dessus toi trop souvent. Non, c'était pas super l'année passée. Ouais, tu trouves? Ouais. Je parlais par-dessus moi? Ouais, un peu. On n'écoutait pas la même émission, je pense, totalement. Toi, tu devais écouter le dîner de con. Ouais, le dîner de con. Ça allait très pas bien. Pas ça? Non. C'est assemblage requis. On est très heureux de vous revoir ici sur les ondes de C'est fou de 7h à 9h du lundi au jeudi. On a une nouvelle saison, pas mal moins de changements que l'année passée. Ouais. Évidemment. Ouais, une bonne constance, une bonne... comment je pourrais dire ça? T'avais déjà le bon mot, je trouvais, mais... Ouais, mais retenance de chroniqueur. On se retient. Non, mais on a retenu nos chroniqueurs vedettes avec nous. Il n'y a personne qui est parti tant que ça, non? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc, évidemment, on va revoir qui d'autre. Je vais vous dire un petit peu en ordre des jours. Il y a des gens qui ont changé de place, mais le lundi, une semaine sur deux, Audrey Tremblay, on va la voir tout à l'heure pour parler du plus récent numéro du Zone Campus. Donc, elle est là pour toujours, espérons-le. Pour toujours. Ouais. Les lundis, tous les lundis, sauf cette semaine, Stéphanie Gagné va être avec nous pour son plat favori et sa chronique de sortie Take Me Out. C'est vrai? Oui. Le mardi, on a encore Émilie Gauthier avec sa chronique plein air Veux-tu sortir avec moi? Mm-hmm. Maxime Lemieux-Laramie, on le perd le mardi. Mais on le regagne le mercredi. Yeah! Hey. Donc, il va être à 8h, Maxime, avec sa chronique de suggestions musicales, télécharge quoi? Qui d'autre? On a les gars de jeudi, où ils restent à leur place. Ouais. Simon Fitzbé et François Landry. Simon Fitzbé qui avec sa chronique Phénomène. Mm-hmm. Et François Landry avec sa chronique Logocratie 101. Mm-hmm. Évidemment, on a toujours le retour de Kiwan avec ses aventures en cavale en Alberta. Mais lui, il va être un petit peu pas mal quand c'est temps. Finalement, c'est ça qu'on a des nouvelles, on vous en reparle. Non, mais c'est ça. Cette semaine, écoute, on se laisse une certaine latitude. Ouais. Et puis, on laisse le temps aux gens de se placer. Mm-hmm. Et puis de se placer nous-mêmes. Oui, ben oui, nous on se place, on se remet en position, on se réapproprie nos chaises si confortables dans notre studio, si ouais. grand. Si de bonheur. Si de bonheur le matin. Mais moi, ça me manquait de venir à... Non, mais c'est pas si pire. Non. C'est pas si pire. On dirait que j'appréhendais ce matin, longtemps avant. En fait, dans les vacances, je me disais, ouais, ça va être de bonheur. On repart, il va faire frais, blablabla. Ce truc-là, l'hiver est pas trop méchant avec nous, par exemple, cette année. Pas beaucoup de neige. Il fait pas excessivement froid non plus. Donc, non, on est reparti. Je pense que ça va bien aller. Les boyaux vont se replacer dans le ventre aussi. Ah oh oui, ah oh oui. T'as-tu, T'as-tu fait des excès tant que ça? Non, ça va. Tes boyaux vont bien? Ah, ils vont bien. Ils sont bon. En santé. On parlera de ce qu'on a fait pendant les vacances tout à l'heure, mais pour l'instant, on va s'écouter un petit peu de musique. Hein. C'est un peu la raison pour laquelle les gens nous écoutent. C'est certainement pas pour nos discussions sur nos vies personnelles. C'est encore drôle, des fois. Moi, c'est pour ça que j'écoute le dîner de con, en fait. donc, on va entendre un petit peu de Sufjan Stevens tantôt, mais on débute avec du francophone. En fait, ça va être un petit bloc à tendance électro un peu. Voici Golden Collider et Sound Central. Ouais. Yeah! 89 FM, c'est fou! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année, grande! Oh, pareillement grande! Ah, oh, ben oui! Introduction est improbable, introduction indispensable. think of you. For I could not have shaken the touch of your breath on my arm. For it has stayed in me as an epithet. I am sorry the worst has arrived. For I'm on the floor. To what she said, but I'm not about to expect something more. I would not ever run off, but I couldn't bear that it's me, it's my fault. I should not be so lost, but I've got nothing left to John Stevens et la pièce I Walked, c'est sur le palmarès anglophone de C'est fou, 89 FM, Radio Bon. Trois-Rivières, oui. On n'a pas fait jouer beaucoup l'année passée. Non, pas assez. Et ça va être une autre de nos résolutions, faire jouer plus de bonne musique. C'est pas vrai du tout. Ça, non, ça avait de l'allure. Oui. C'était même merveilleux, je dirais, mais là, ça va être encore plus merveilleux. Tout à fait. Bon. François, qu'est-ce que tu as fait pendant les fêtes, toi, d'intéressant? Écoute, d'intéressant, pas grand-chose. Non. J'ai été malade. Oh! Ouais. Tout le long? Pratiquement. Oh. Pratiquement. En fait, là, ça m'a tombé dessus comme une tonne de briques le 24. Et puis... belle date. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, ça s'est continué, je pense, que jusqu'au premier. Là, là t'es plus contagieux? Là. Non, là, ça va bien. On est de retour à 2 mètres à peine l'un de l'autre? Là, non, ça va bien. Là. Ouais. Toi, Mathieu? Moi, j'ai déménagé. Ouais, ben, beau temps pour déménager. J'aurais préféré être malade. Non, c'était vraiment long et pénible, mais en même temps, on a condensé ça en quand même juste 4 jours, donc c'est pas si pire que ça. Là, on parle vraiment de peinture, de nettoyage. T'as peinturé? Oui, au complet, là. Pas un mur a été quelle couleur? Peinturé. C'est quoi les couleurs? Quoi les couleurs? Je te dirais que le salon, nous, c'est gris, noir et rouge. Gris, noir. Peu, dans le même gris. Genre que mon ancien appartement, mais plus foncé. Gris pour les murs, okay. Décoration noire, divan rouge. OK. Ah, c'est un très beau genre. Bon, ouais. Chambre à coucher, 3 murs blancs, un mur vert très, très, très flash. Et décoration brune, j'aime ça. OK, très bien. Mon bureau est un genre de... Ils appellent ça stucco vieilli. C'est stucco un... vieilli? C'est bizarre, même qu'en français, c'est une tapisserie? Vieilli. Non, c'est de la peinture. C'est de la... Oh, ouais. C'est pas la texture du stucco, c'est plutôt la couleur du stucco de dans le temps, okay. J'imagine. C'est un genre de vert brun gris. Vert gris. Ouais, vert gris, je pense, ça serait mieux. Vert gris. OK. C'est très bien. Très, très, très bon. Cuisine, c'est un genre de jaune... assez, comment dire, jaune beige. Serein, non? Pas serein, peut-être serein. Moutarde. Moutarde. Quasiment, mais en plus pâle un petit peu. Ouais, un petit peu comme dans le studio ici, c'est un beau genre, j'aime bien cette couleur. Ouais, c'est bizarre. Hein, ouais, c'est rare, mais j'aime ça. Ouais. Donc, c'est ça. C'est de la job. Ben, t'aimes-tu ça peinturer? Moi, c'est une chose que je déteste, nous, je pense que c'est peinturer. Dans la vie, c'est pas mal. Avec déménager et peinturer. Ben ouais, déménager, évidemment, il n'y a rien de plaisant. C'est les pires choses de la vie. Moi, je suis vraiment pas rouleau. J'ai aucune habileté du tout au rouleau. Donc, t'es plus pinceau? Découpage, ouais, c'est ouais. Ça. Ouais, c'est ça. C'est long. J'ai oublié la salle de bain. La salle de bain, c'est moitié blanc en haut et moitié un bleu, là, vraiment genre petite sirène en bas. Là. Bleu pâle. Non. Bleu poisson, là, genre bleu flash aussi. On aime les couleurs flash, ça paraît. Ouais. Ouais. Ça doit être joli, en fait. Mais c'est le fun. T'es content. Une fois que tout est fait, c'est peinturé à ton goût. Bon, ben, écoute, je pense pas que tu retouches à ça un jour. Là. Non, jamais. Ben, pas là. Là pas à cet appartement-là. Une chance qu'on a eu de l'aide, donc je remercie la famille de ma copine. Ouais, c'est tout le temps plaisant. Toujours bien, bien plaisant. Non, c'est fait. Belle affaire de fête. On est très heureux. Le stress descend quand tu déménages après avoir passé un aussi long moment dans un appartement avec des voisins détestables. Hein? C'est sacré voisin. Et voilà. On pourrait les saluer. On les salue. Bonjour à vous. Je sais même pas vos noms et je veux même pas les avoir. Non, c'est ça. Bon. Donc, assez parlé de choses plates. Qu'est-ce qu'on a fait d'amusant? Est-ce que tu as joué à des jeux vidéo? Call of Duty, évidemment. Ouais. J'ai joué sur le live. Et puis, oui, bonne remarque, Mathieu, en fait. Je voulais t'en parler. J'ai acheté la Kinect. Ah, pour vrai? À ma copine. Non. Oui. T'as acheté ça à ta copine, oui. Mais pour toi en même temps. Ben, c'est sûr qu'en fait... Oh. C'est bizarre, mais je reste là moi aussi. Ça donne de même, là. C'est un hasard. Ça. Ouais, non, écrit, mais super. Mais ça, à la limite, écoute, j'aimerais ça t'en reparler ouais. Plus en détail. OK. Un peu plus... Est-ce que t'as joué pas mal? Un peu plus tard. J'ai joué quand même. OK, quand on en même. Parle tantôt. On se fera quelque chose de spécial là-dessus. Bon point. Merveilleux. J'aime ça. Voilà, donc vous, si vous avez fait des choses intéressantes pendant les fêtes, écrivez-nous sur assemblagerequis.com, ça va nous faire plaisir de vous lire. Notre courriel, c'est assemblagerequis@gmail.com, donc allez-y aussi. Exactement. Si vous avez des sujets, des fois, là, oui. Comme cette année, en fait, c'est ça, on en parlait brièvement, moi et Mathieu, puis on aimerait ça avoir des entrevues avec des gens un peu bizarres. Ouais, ah, des gens comme l'hypnose ou, tu sais, des trucs où ce qu'on pourrait... Des talents cachés. Oh, c'est pas... Non? Ça, c'est pas... Pas comme pas, vous pas le croyez caché ici. Tant que ça. Non, c'est ça. Faut que ce soit quand même un petit peu bon. Ouais. Tu sais, quand c'est trop caché, hein? on change de place. C'est ça. Ouais. Bon, d'accord. Donc, écrivez-nous, toi, comme toi, je disais. Oui, puis toi, est-ce que t'as joué à des jeux sur tes vacances ou... Oui. En fait, t'as eu Donkey Kong? C'est ça, j'ai joué à Donkey Kong Country Returns, c'est certain. J'ai fait le tour, là, c'est terminé. T'as fait le tour, c'est fini. Tout à fait, je vais pouvoir en faire la critique enfin. C'est, dans le fond, mon idée, c'est que je fais pas de critique sans avoir fait le tour. De la misère, sinon. C'est ouais. Dur. Je trouve que c'est dur de juger un jeu sans faire le tour. Sinon, j'ai joué... là, je t'en reparlerai plus en détail, mais j'ai un... J'ai acheté une PlayStation 3. Ah ouais? T'es sérieux? Ah ouais? Okay. Ouais. Ça fait longtemps? Juste avant les fêtes. Ah ouais? Question d'avoir deux jours. Pas. Je sais, je te garde des, okay. Des secrets. Ouais, PlayStation 3. Ouais. T'as Blu-ray. Un DVD Blu-ray. Ça, c'est très hot. Ça, c'est vraiment que, parfait ouais. Même, je te dis. Ouais. C'est vraiment. Dur à battre. Ouais, donc j'ai acheté ça juste avant les fêtes pour avoir deux jours pour jouer avant de déménager. Okay. Donc, pendant le déménagement, j'ai pas pu jouer. Là, j'étais super excité et j'ai recommencé à jouer beaucoup. Donc, Sly Collection, je t'en reparlerai ça aussi. C'est les vieux Sly Cooper sur PS2 qui ont réédité pour PS3. Hein. Ok. C'est vraiment très, très, très, très, très bon. Ça venait avec ou non? Non, je les ai achetés. Okay. Y a aussi le premier Ratchet & Clank qui est sur la PS3. C'est Ratchet & Clank Future Tools of Destruction. Ok. C'est vraiment très bien aussi. Et Little Big Planet. Ok, je ouais. Sais pas non plus. Je t'en reparlerai, je ferai des critiques avec certains. Et puis ça, en fait, là, juste une petite interrogation comme ça. Oui. Les jeux de PlayStation 1, PlayStation 2, ils fonctionnent avec... Tu vois, je suis même pas sûr non. Parce que je suis embarqué dans la génération PlayStation hein, très, très récemment. Je crois que la PS3 Slim ne joue plus les jeux des anciennes générations. Ah, toi, est Slim en plus? Oui, ça, c'est la nouvelle édition. Mais je sais que tu peux télécharger des jeux de PS2 et de PS1 comme j'ai téléchargé par Crash Bandicoot par Internet, c'est ça. Ça, c'est vraiment très, très fort. Ouais. C'est un peu comme la Wii Virtual Console dans la façon que c'est fait. C'est très bien, ça. Jouer à des vieux jeux sur une nouvelle console. Mais faut-tu payer? Ouais, c'est ça. Mais les jeux sont vraiment pas chers. C'est genre 10$. OK, puis c'est quoi, par carte de crédit ou t'as des points comme le Xbox? Ben, t'as les deux, t'as une carte de crédit qui te permet d'acheter des points. J'aime mieux la façon qu'ils ont instauré ça sur le PlayStation Network. Si on compare à la Wii, t'achètes des cartes où tu utilises ta carte de crédit pour acheter l'équivalent des points d'une carte. Par exemple, bon, mettons, t'as 2000 points pour 20$ ou 50 000 points pour 50$ ou quelque chose du genre. Sur la Wii, tu vas devoir entrer ton numéro de carte de crédit et acheter 50 000 points ou 30 000 points. Tu peux pas aller entre. Alors que sur PlayStation Network, si ton total avec un jeu puis un fond d'écran puis un petit thème interactif, ça coûte 13$, ben tu demandes de recharger 13$ exactement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fort. Ouais, ouais, c'est ça. Exact. Parce que Xbox Live, la même chose, faut que tu achètes des foutus points. Ouais. Et puis, ça arrive jamais des points et c'est voulu. Là. Mm. C'est déplaisant. C'est très déplaisant, en effet. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que PlayStation Network, t'as pas à payer un frais par mois ou par année. Aussi. C'est seulement le matériel. Donc, si j'achète un jeu complet, je vais le payer avec plaisir, mais je vais pas payer dans le beurre, même si j'en ai pas besoin. T'sais. Xbox Live, faut que tu achètes dans le beurre au cas où que tu as besoin de, de quelque chose, parce que sinon, tu n'auras pas ton abonnement pour aller te le chercher. T'sais. C'est ça. Oui, mais je pense que tu peux aller chercher des jeux quand même, même si tu n'es pas sur Xbox Live. Ah, OK, je savais pas. Mais je pense que c'est à confirmer, en fait. Là, mais oui, je pense que oui. D'accord. Donc, plus de jeux vidéo tantôt, mais pour l'instant, on retourne en musique. On va entendre Alex Nevsky et la pièce Chalalalala. La la la la. Boy, je pensais pas chanter ça matin. Ouais. Entre parenthèses, l'amour n'est pas qu'un slogan et nous, on va vous chanter l'extrait Chalalala Long après. Après. Pas avant, pas avant. Vous êtes à l'assemblage requis. La la la la long. Embrasse-moi, l'amour n'est pas qu'un slogan. Allez, viens, encadre-moi et relie-moi doucement. Encage-moi, je serai fidèle. Enlace-moi, retiens mes ailes entre tes bras. Entre mon amour, embrasse-moi. Ton corps sous ma langue.

Ratatat, avec la pièce Gettysburg. Ratatat. Ratatat. T'en choisis donc bien de la bonne musique, toi. Ratatat. T'aimes ça, Ratatat, hein, Matt? Oui. Je comprends pourquoi. Ben, qu'un. Hey, hein? C'est comme Assemblage requis, tu sais. Je ratataterais jamais ça. Non, du tout. Non. Même en le disant, je savais que ça marchait pas du tout. Ouais. Ah, c'est pas super. Pas super. Hey, Matt, je te parle de ce qui s'en vient à l'UQTR. Ah! Ça te tente? Ben, qu'un. Merveilleux, on part ça, Drello. Aujourd'hui même, un match spécial de la Luitre qui se déroule au niveau de la Chasse-Galerie, juste ici à côté. Et ça commence à 19h30 et c'est gratuit. Luitre, c'est la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Tout à fait. Merci des précisions. Ça fait plaisir. Mercredi le 12, Hockey des Patriotes, et ce à 19h, casier de Trois-Rivières, adultes 8$, étudiants 3$. C'est gratuit, par exemple, pour les étudiants de l'UQTR. Ah, pas cher, ça, gratuit, je trouve. Non, pas cher du tout. Donc, les Patriotes qui affrontent Concordia mercredi le 12 à 19h au Colisée. Donc, pour ceux qui s'intéressent. Après ça, jeudi le 13, Multiples visages de l'Afrique. Et ça se déroule à 8h. Et c'est au deuxième étage de la bibliothèque. En fait, c'est pour découvrir l'Afrique sous ses différentes facettes. Que ce soit culture, littérature, histoire, politique, éducation. En fait, c'est la bibliothèque qui vous invite à venir consulter l'exposition Multiples visages de l'Afrique. Intéressant. Oui, oui. Ça peut être pratique, en fait. Là. Des fois, on a un travail à faire. Mm-hmm. Même culture personnelle. Oui, c'est ça, juste pour le plaisir d'apprendre. Tout à fait, tout à fait. Sinon, on se retrouve le vendredi le 14, match de hockey des Patriotes. Encore? Oui, encore 19h15, cette fois-là, au Colisée Trois-Rivières. Encore 8h pour les adultes, 3 pour les étudiants. Et c'est gratuit pour les étudiants de l'UQTR qui affrontent Ottawa. En fait, vendredi à 7h15 au Colisée. Mm-hmm. Moi, je trouve que c'est très intéressant que ces deux matchs-là tombent. Quel jour t'as dit? Mercredi le premier? Mardi. Non, mercredi. Excuse-moi. Mercredi. Et vendredi? Et vendredi. Et après ça, devine qu'est-ce qu'il y a sur les ondes de C'est fou pour parler des Patriotes? Je sais pas. L'inconduite de partie? Ben qu'un. Ben qu'un. Hey, juste après nous? Ben oui. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, à 9h? Aujourd'hui, à 9h. On l'attend, Nicolas Duchamp qui va de animer... De pied ferme. De pied ferme, il est mieux d'être là, sinon attends, watch out. Ça va être les lundis et les vendredis. Et là, c'est deux émissions différentes, donc l'édition du lundi et l'édition du vendredi. C'est oui. Pas comme le reste de la programmation de C'est fou quand tu la vois deux fois, que c'est deux fois la même affaire. C'est deux émissions indépendantes, lundi, vendredi, 9h à 11h. Ici même, right here, on the C'est fou. Tout à fait. On the C'est fou. On the C'est fou. Right here. Et puis, juste un dernier petit match en finissant. Mm-hmm. Soccer intérieur féminin, 14h. Centre Alphonse Desjardins, au niveau, ça se trouve dans le secteur du Cap de la Madeleine. Mm-hmm. Adultes étudiants 5$. Et puis, Patriotes reçoivent Bishop à 14h au Centre Alphonse Desjardins. Évidemment, c'est gratuit sur présentation de la carte étudiante de l'UQTR. Mm-hmm. Soccer intérieur féminin, ou comme je l'appelle, le soccer de femme. Moi, je t'appelle ça comme ça. Non. Pas en fait, je ne parle jamais de soccer intérieur féminin. Et puis, on a parlé soccer intérieur féminin. On parle soccer intérieur masculin. Et puis, même place, même jour, pas la même heure, par exemple. On parle de 16h au lieu de 14h. Et puis, reçoivent l'Académie de l'Impact, le soccer intérieur masculin. Le soccer de masque. Soccer de masque. 5 pièces, 16h, Alphonse Desjardins. C'est simple de même. Simple de même. Bon, ben parle-moi de ça, François. Voilà qui va starter, excusez-moi de l'anglicisme. Je te le pardonne, ouais, mais ça, je trouve pas ça très professionnel, mais je te le pardonne. On starte la session comme ça, nous autres, à l'UQTR. Ah ouais, des matchs, d'impro, match de hockey, de soccer intérieur. Fausses abréviations qui se tiennent pas. Start ça. Start-moi ça, mon Matt. Bon, start aux pommes. Start. Start-moi ça aux pommes, s'il te plaît. Je te demande de starter moi ça aux pommes. Oh. Tu me manquais, tu sais. Tu me manquais aussi, Mathieu. Ouais. Et tu me manqueras quand on se reverra plus après la session. Ben, on va se revoir. Oui. Ah oh, oui, on va okay. S'en revoir. Ben oui, on va se revoir. On s'en va tout le temps. L'été. Ben oui. Ben oui. On fait. Tu viens collimer avec moi cet été? Ok, cool. Parfait. Ben, on s'en revoit là d'abord. Ça va dépendre de quel jour. C'est ça. Bon. Tout à l'heure, dans quelques minutes à peine, en fait, dans vraiment pas beaucoup de temps, dans quelques, vraiment, je te jure, là, c'est comme bientôt. Là. Quelques centièmes de seconde. Ben, plus que ça, par exemple. Un petit peu plus que ça, mais bon. Ouais, ouais. Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, va être avec nous pour parler du plus récent numéro. Qui est en kiosque présentement. Là. En ce moment, c'est toi qui l'as livré, ça? Toujours. Donc, il est pas mal livré. Ouais, il est livré partout. Donc, tout à l'heure, vers les 8h, d'ici là, on a l'Info Campus, mais d'ici là, avant, on a Millie Grove Band, voici Ghost at My Back. Sur C'est fou! It's the C'est fou! François, est-ce que tu vas m'attendre pendant que je vais écouter l'Info Campus, puis tu vas m'attendre pendant que je vais passer à la pub, mettons, puis... Ouais, mais s'il faut que je monte en haut, non. Non, je vais faire ça vite, là, je te jure. OK. Ça va prendre, genre, à peu près, mettons, 3 minutes 40, peut-être, là. OK. Max, OK? Top chrono. Puis après ça, Audrey Tremblay, c'est bon? Audrey Tremblay. Cool. Top chrono. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bon, retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Merci. Et moi? Et lui, c'est Mathieu Plante. What's my name? What's my name? What's my name? C'est quoi ça? Hey, Pouscadon. C'est my name. Hey, Colin, qu'on devrait pas chanter ça ici. Hein? Hey, c'est excellent, ça. Ça me fait plus honte que d'autres choses, ben, tout ça. C'est pas parce qu'on l'écoute pas dans l'auto avant de venir... Partage pas nos secrets de dans ta voiture le matin, non. Tôt. Wow! OK! Hey, Poudy! Poudy, Doody! Poudy, Shabbat. Poulie Chabot. Ah, wow! OK. Moi, c'est que je pense à quelqu'un qui s'appelle vraiment Poulie dans ma famille. Oh, ouais? Ah. Ouais, bon, donc... Audrey Tremblay! Bon matin. C'était bon matin? On est bien lundi? Oui. Comme c'est le bon matin. Effectivement, oui. The right morning? Pour parler du Zone Campus... Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Mais en même temps, c'est toujours le bon matin pour parler du journal Zone Campus. Tous les jours. Il est à jour à tous les jours. Aujourd'hui, plus qu'hier. Plus que dans deux semaines, moins un jour. Genre le dernier jour de l'apparition, là, il va être un petit peu, peut-être moins à jour un petit peu. Mais quand même, toujours aussi bon. Mais toujours aussi bon, allez! C'est tellement vrai! Elle l'a dit. Elle a l'affaire! Je l'ai dit. Parfait! Qu'est-ce qu'on peut trouver pour cette première édition de l'hiver, la session hiver 2011, dans le journal Zone Campus? On a sur la une Francis Charland qui va faire les Universiades 2011 avec Équipe Canada. C'est pas Universiades. Comme je pensais, c'est Universiade. On l'a déjà dit, ça, je pense. Effectivement. Ouais. Il était trois patriotes à avoir fait le camp d'entraînement. Il a été le seul sélectionné. On parle dans les actualités de la rentrée de l'AGE qui va avoir une assemblée spéciale le 19 janvier prochain à midi. Ça va brasser, ça? Il y a des chances. Je pense que oui. C'est pourquoi, celle-là? Il faudrait qu'il y ait quorum, par exemple. OK, ben ouais, c'est ça. Aussi. Parce que ça, c'est celle qui avait été remise parce qu'il n'y avait pas eu quorum la dernière fois. Est-ce que c'est ça? Quelque chose de genre? Non, je pense non, pas que ça soit pour ça. Parce que non, les derniers, ils ont eu quorum. Ouais. Je pense que c'est au niveau du vote là, pour la TASEC. Ah, ça n'a pas passé. Ben et puis, oui. Je pense qu'il faut que ça repasse. Okay. Et puis là, en plus, ils vont aborder les frais de la scolarité. C'est cela, en fait. Là. D'accord. Bon, mais donc, c'est quelle date déjà? Le 19. 19 janvier à midi, ouais. Soyez-y. Oui, oui, certainement. On continue, on va parler des déficits budgétaires de l'UQTR. Marie-Hélène Laroche va expliquer dans son article. Oui, parce qu'il y a eu une controverse dans le Nouvelliste, dans les journaux, disant que l'université avait fait un déficit, quelque chose du genre, mais dans le fond, c'est pas exactement la vérité. C'est juste, en fait, le calcul comptable. Ouais. Ouais. C'est niaise, tout de même. Qui n'est pas toujours évident pour tout le monde non plus. Non, c'est ça, il est représentatif de la situation, ouais. En fait, là, que les universités vivent. Parce que là, c'est en fait, avec le nouveau calcul, je me rappelle, on avait parlé ici même à l'assemblage requis, puis qu'il avait fait un déficit. Mais en théorie, en fait, c'est pas ça. Hein, mais... On va parler aussi des jeux du commerce, qui a une longue tradition. Oui, on les a croisés dans les corridors. Hein. Ils buvaient très, très tôt le matin avant le lancement. Ça, c'était les jeux de génie. Ah, du génie, excuse-moi. Hey, à date, trois fois que j'ai parlé des nouvelles, trois fois je me suis trompé. Ouais. C'est bien. Alors, ils sont revenus. On devrait avoir des résultats quand même bientôt. Là. Okay. Ils sont revenus les jeux du commerce et les jeux de génie. On parle de l'inauguration de la résidence sur le campus. Une nouvelle résidence du gîte universitaire. Ça, c'est des blocs. effectivement. OK, 1 sur 4, parfait. Ouais. dans l'éditorial, on a un nouvel éditorialiste qui est Simon Fitzbé. Oui, on le croit, on le connaît un petit peu, on le croise des fois, nous, François et moi. À radio? Ouais. Ah, je sais pas c'est qui, là, mais... C'est les jeudis matin dans sa chronique Phénomène. Ah oui! Ah! Hey, puis regardez sa photo, il est super beau. Tout à fait. Ben, tout le monde est beau sur leurs photos d'hiver. J'aime ça. C'est moi qui les ai pris. Ben, tout à fait. Donc, le merci talent, pour la mienne, Mathieu. Ah, OK, j'en ai pris une. Ouais. Alors, Simon va vous souhaiter les souhaits de bonne année dans son éditorial. On va revenir, il revient sur l'implication étudiante, entre autres. Ah! On pourrait se questionner longtemps sur l'implication des étudiants nous-mêmes ici, même à la radio. La non-implication. Oui. Ouais. Plus que c'est l'implication. Plate. C'est plate, en tout cas. On va parler aussi du contrat de Coca-Cola. Grosse affaire. Qui s'en vient à terme. Marie-Hélène Laroche s'est penchée sur la question. Et, nouveau projet d'intégration de la pédagogie entrepreneuriale. Puis, on a un spécial carnaval qui fait le tour de la programmation des changements qui ont été apportés, qui ne font pas tous l'unanimité. Non, il y a des groupes Facebook partis là-dessus. Oui, effectivement, pour Pichet ton tour. Oui, Pichet à ton tour. Oui, et c'est ce qui fait le tour des actualités pour cette édition. Tout à fait, on a toujours la section société avec nos deux chroniqueurs qui sont les mêmes qu'à l'automne. Oui. On bascule comme toujours. Oui, alors Jean-François et Sophia Tourigny qui vont faire... en alternance, en système d'alternance. Jean-François, qui commence dans cette édition-là, va parler d'enseignement. Il explique aussi dans sa chronique qu'il va écrire à distance à partir de sa prochaine chronique. Oui, bien c'est vrai, il va être là-bas, là. Oui, c'est en France. En France, oui. Bien sûr. Le fantasque est de retour. Hubert Sanson, étudiant en histoire à l'UQTR, qui nous présente un petit une œuvre d'art et un texte poétique l'accompagnant. Oui. En art et spectacle, on parle de l'exposition Bêtes de cirque, du spectacle de Patrick Groux et de André Sauvé. C'est toi qui les as vus, ces deux-là? Oui, ouais. J'ai eu la chance d'aller voir, que j'ai vraiment apprécié, mais entre autres, André Sauvé m'a vraiment beaucoup fait rire. C'est très, très, très, très bon. Il est plus drôle que Patrick Groux. Mais en fait, c'est pas le même genre d'humour. Non, c'est ça. Ça va plaire à deux types de personnes. Ceux qui vont aimer André Sauvé vont un peu moins aimer Patrick Groux et ceux qui vont vraiment apprécier Patrick Groux vont un peu moins aimer André Sauvé. Donc, si j'aime André Sauvé, je devrais pas aller voir un spectacle de Patrick Groux. Voilà. C'est un peu ce que tu me dis. D'accord. Voilà. Mais tu peux quand même y aller pour juger, voir si tu as la même opinion que moi sur les deux. Comme t'as fait, exactement, parce que t'es rendu un petit peu en arrêt spectacle aussi. Oui, effectivement. Voilà, c'est bien ça. Chronique de Mélissa Beaupré qui nous parle de ses coups de cœur de l'année à venir. Oui, puis de l'année précédente, qu'est-ce qu'elle a aimé de sa session d'automne en 2010, puis de qu'est-ce qui était surveillé pour 2011 pour sa part. Alors, je vous parle également de la Ligue de karaoké. C'est quoi ça, karaoké? Qui va se mettre en branle mardi, dans le fond, demain, qui est un premier match hors concours. C'est un concours de chorégraphie de karaoké en même temps de différentes associations étudiantes. C'est comme s'ils avaient pris les deux mots puis ils avaient mis ensemble. Effectivement. Mais ça fonctionne déjà depuis quelques temps, mais on a décidé de juste en faire une compétition officielle avec un trophée puis des prix de participation. Quand même intéressant. Cool. Ça fonctionne bien? Oui, beaucoup de monde. C'est sûr que c'est les mêmes associations qui reviennent, mais en lançant une ligue plus officielle comme ça, peut-être qu'on va aller chercher différentes associations. Ah, hein. Oh, c'est cool. On parle du concours vidéo et du QTR en spectacle également. Mélange de sport et d'art et spectacle un peu. Joannie Dufresne qui est au sport, qui a rencontré Bob Bissonnette qui était en spectacle à la Chaise Galerie le 9 décembre dernier pour les associations... pour le bac en enseignement qui voulait financer leur bal de finissant. Et si vous avez raté ça, il va être de retour? Effectivement, le 17 janvier. C'est donc, lundi prochain? Lundi prochain, à la Chaise-Galerie, dès 22h. Est-ce qu'on peut annoncer en exclusivity? Oh oui, ce soir, Gilbert et Lauzon, ah, oui, à la Chaise-Galerie. C'est ce que j'allais dire. Bravo. Fais-le quel plug. Veux-tu le repluguer une deuxième fois? Ah, oui, Gilbert et Lauzon, ce soir, à 22h, à la Chaise-Galerie, après le match spécial de la Luitre. Oh! Ça fait une belle soirée, je reçois le caucus. Ouais. Eh bien. Non pour dire que Bob Bissonnette va être de retour le 17 janvier, mais qu'il va être aussi à l'émission L'Inconduite de partie. Oui. Lundi prochain avec lundi Nicolas prochain, Ducharme. À 10h, je crois. Oui. Aux alentours de 10h. Voilà. C'est noté, ça. Et justement, ça tombe bien parce qu'on a mis l'article sur Bob Bissonnette directement avant les sports. Oui. Juste comme tout est pour calculé. Faire une transition. T'es merveilleuse, Audrey. Donc, passons au sport. Au sport. Joannie Dufresne a tracé le portrait de Caroline Lapierre-Lemire, la nageuse des Patriotes. On est revenu sur la course des Pères Noël, le marathon des Pères Noël qui s'est déroulé avant les fêtes. Oui. mais qui à chaque année est un succès. Mm-hmm. Il y a beaucoup de Père Noël, hein? Ouais. Mais je sais pas, c'est si... C'est pas ça, les enfants écoutent, là. Non, ouais, mais c'est ouais, ça, mais c'est, imagine-toi les enfants qui regardent ça et ils voient un troupeau de Père Noël passer en courant. Ça peut briser des cœurs, ça peut briser des rêves, je pense. Tout à fait. Les tiens? Ben entre oui. Autres? Oui. C'est à cause de ça, toi, hein? Que t'es traumatisé à vie? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu crois encore au Père Noël? Oui. OK. Pourquoi? Mais tu vois, ça brise pas le rêve tant que ça, si ça... Non, mais j'y crois encore, mais je sais que je sais qu'il y en a plus qu'un, c'est tout. Au soccer, on parle de la saison qui s'en vient de soccer intérieur. Soccer, femme. Ah, il y a des jeux! C'est un callback à plus tôt dans l'émission, tu n'étais pas là. OK, ouais. Le soccer, femme, ouais. Des jeux, oui, il y a des jeux. Le mot croisé, le sudoku et le mot mystère. À côté du calendrier des Patriotes, les matchs à venir. Donc, si vous voulez savoir quand sont les prochains matchs, là, en papier, en écrit, question de pouvoir prendre des notes, je te déchirerai à la page. En même temps, tu sais... Pars avec le journal au complet. Ben oui, tant qu'à faire. Oui, hein. Charlan? Oui, l'article qui fait suite à la une, qui est en page 14. Le documentaire sur le sport que les étudiants au baccalauréat, un concours de vidéo avec un cours... Puis c'est un documentaire sur le sport qui l'a emporté cette année. Félicitations. Oui. Et puis, on termine avec l'analyse de mi-saison de Nicolas Duchamp sur la saison de hockey des Patriotes. Puis, Nicolas a rencontré André-François Lafond, le nouveau directeur du SAPS. Oui, le SAPS, le service de l'activité physique et sportive de l'UQTR. Oui. C'est pas une faute d'orthographe ou de frappe. C'est le SAPS. Effectivement. Les gens sont pas toujours au courant que ça existe. Mais on n'est pas habitué d'entendre ça. Non. On entend beaucoup le CAPS. Et voilà. Ou le câble de Madeleine. Ou le câble de Madeleine. Ou encore. Ça peut faire l'affaire. C'est ça. et puis, une autre affaire que vous retrouvez en papier. Ceux qui l'ont entendu à la radio veulent une copie papier. Le palmarès de l'année 2010 au complet. C'était fait en 2010. C'était imprimé à la dernière page du journal. Donc, mais encore une fois, gardez-le au complet. Gardez tous les numéros de journal sur le campus. Empilez-les dans le coin d'une pièce. Ça prend pas tant de place que ça. Puis, pour l'année complète. Ça vous fait une archive personnelle. Hein? Tout à fait. C'est ça. Ou sinon, vous pouvez aller visiter le cifou.ca. Ou le zonecampus.ca. Ouais. Oui. Les deux en même temps. Les deux. Deux un onglets, c'est pour ça qu'il a inventé les onglets. C'est pour ça que Dieu a inventé les onglets. Voilà. Si tu peux ouvrir les deux sites en même temps. Bon. Ça dit tout. On dit n'importe quoi. Hey, merci Audrey. Ça me fait plaisir. Vraiment, bonne année. Oui, merci bonne à vous année. Autres aussi. On te retrouve lundi dans deux semaines. Oui. Après chaque parution du journal Zone Campus, ici en studio, pour nous parler du plus récent numéro. Exactement. Et puis, je pense qu'on peut te retrouver ce soir à la Chasse Galerie. Ah ouais, effectivement. C'est qui, Gilbert? Gilbert Lauzon. Lauzon, c'est un chansonnier. Oui. Au lundi chansonnier, juste après la huître. Effectivement. À la Chasse Galerie. Ça promet. It promises. Bon, mais merci encore. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. J'ai une petite musique. Je suis rendu avec ma propre chanson thème. C'est le fun. J'en ai des petites chansons thème, non? Ben oui. Audrey en a une que ça dit Zone Campus à chaque fois que tu dis le nom Zone Campus. Sauf quand j'y pense pas. Genre, mettons comme. Non, j'avais pas le doigt sur la bonne affaire, par exemple. C'est ici. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. C'est la leçon à retenir, François. Mets ton doigt à bonne place. Si je me trompe, est-ce que quelqu'un va me le dire? Moi, ouais. Sûrement, parce qu'ils seront pas en bonne place. On va écouter un Roman Octo Diamond. Voici Last Diamond in the Cave. We'll be right back.

sur C'est fou 89 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières et vous syntonisez Assemblage. Pas si froid que ça matin. Non, pas si pire. We'll be right back. 89.9. Ah, c'est fou, le rodage. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Pourquoi tu ris? Nicolas me fait rire. Nicolas? Ah oui. Charme. Bon matin. Bon matin. Bon matin, messieurs. Ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que t'as dit de drôle tout à l'heure? Ah non, j'écoutais les ID, puis on reconnaît facilement François-Olivier en background. En épais. Tu fais comme genre, oh wow, je me demande qui a fait l'ID, messieurs. Un peu d'écho, ça vous tentait pas? Non. Mais hey, on n'est pas ici pour parler de ça. Donc, Nicolas Ducharme qui anime les conduites de partie juste après nous aujourd'hui, lundi à 9h. Ben oui, une première de notre nouvelle bi-hebdomadaire. IT, bi-hebdomadarité. Comment? C'est la nouvelle bi-hebdomadarité. Ça se dit comme ça? Ou... OK, t'es vendre des mots. Mandé, bonne chance. Donc, ce n'est pas une reprise. Non, détrompez-vous. Non. Une nouvelle édition, deuxième. On va avoir deux émissions par semaine maintenant. Donc, comme on dit, comme le slogan nous le dit, une lundi parce que tu reviens de ta fin de semaine, puis une vendredi parce que tu t'en vas en fin de semaine. Comme ce matin, on va parler de ce qui s'est passé un petit peu à travers. Mais là, c'est spécial ce matin parce qu'on va faire un petit peu d'introspective de ce qui s'est passé durant le temps des fêtes. C'est la première de l'année, il faut le dire. C'est ça. Donc, on va revenir sur la période des échanges dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Qui a été mouvementé, mais ça n'a pas été aussi pire que l'an dernier. Mais les Cataractes ont été actifs. On va parler de ça. On va toucher aux Patriotes aussi qui ont recommencé le hockey hier. Victoire de 3-1 contre les Golden Gales de Queens. Ça a bien été. Oh, c'était facile. Ah ouais? C'était pas un match palpitant, mais c'était facile. On n'a rien à reprocher aux Patriotes tout seul là. Très simple. On va parler aussi soccer, qui a eu des nouvelles sur la Ligue européenne. On a un nouveau chroniqueur ce matin. Oui. Marc-Antoine Lavoie qui va se joindre à nous. Marc-Antoine qui est étudiant en communication ici, petite première année. On va former la jeunesse, comme on dit. On va le former à ta façon. À ma façon. Je ne sais pas si c'est la bonne façon, mais on va le former comme ça. Donc, qui va nous parler des Bulldogs d'Hamilton. On va commencer à toucher aux Bulldogs d'Hamilton. Wow, minute, la bestialité. Quand même. Toucher au sujet des Bulldogs d'Hamilton. Donc, de leur de comment se déroule leur saison à date et de leur dernier match. Et à part de ça, ben écoutez, football, c'est ce soir le championnat national au football collégial américain. Les Ducks d'Oregon qui vont affronter les Tigers d'Auburn, Cam Newton en tête des Tigers. JP Grenier va se joindre à nous par téléphone pour nous parler de tout ça, série de la NFL. On a une grosse émission quand même, donc on va avoir énormément de choses pour une première. Mais c'est ça, en ayant deux émissions par semaine, je pense qu'on va pouvoir aller plus en profondeur sur plusieurs sujets. Ça va nous laisser plus de temps aussi pour, aller chercher les sources propres. C'est-à-dire, je vais avoir le temps d'appeler les coachs pour savoir c'est quoi qui se passe. Des extraits audio. Des extraits audio. On va peut-être avoir plus d'invités aussi. Ben, on va déjà, lundi prochain, on va avoir Bobby Sennett en onde. Oui. Le chanteur. Il va chanter des chansons. Bon, on va venir me chanter des chansons. J'ai hâte de voir ça. Ça a été une première pour moi avec un artiste en studio. On sait qu'il y a des émissions de sport. C'est rare qu'on réussit à mélanger art et sport. On mélange rock and sports. Oui, c'est ça. Ben, dans ce cas-ci, ça va être rock and sports un peu parce que Bob est assez rock, merci. Puis il est assez hockey, merci aussi. Donc, on va pouvoir faire ça. Et non, c'est ça. Donc, on en a pour les 4 prochains mois. Comme ça, on va vous parler toutes vos nouvelles et on va aller plus en profondeur dans votre sport, sport à Moxie et sport à travers toute la planète comme on le fait déjà depuis. Depuis 2 ans et demi, là, on en est dans notre troisième saison. On compte-tu les saisons à partir comme de. Ça dépend des gens, c'est ça. Mais tu peux y aller par session. Tu peux dire aussi le total d'années. Prends le plus impressionnant des deux. Ça. C'est notre sixième saison. Bon, mais quand même, c'est bien plus gros, ça. Sixième saison, donc, où est-ce que je suis à la barre de l'inconduite. Et ça va être la première sans Pierre-Luc Giroux qui. Feu Pierre-Luc nous a quittés pour son stage qui va se dérouler à Québec. Stage de fin de session. On le salue. On le salue, Pierre-Luc. Ben oui. Donc, l'inconduit de partie, lundi et vendredi. Vendredi, 9h. De 9h à 11h. Ben oui, et sur inconduitdepartie.com, ton nouveau blog super tendance 2011 WordPress. Il est vraiment tendance, hein, avec le logo. C'est beau. C'est propre. C'est propre, c'est professionnel. T'es propre, t'es professionnel. Tu sens bon, en plus. Ouais. Non, mais ça vaut à peine de payer un serveur. Là. C'est quoi pas si cher que ça? Ça dépend, je t'ai dit. Non, mais c'est ça. Puis ça, c'est d'autres choses aussi qui vont être beaucoup sur lesquelles je vais mettre beaucoup d'emphase dans les prochains mois. De mettre à jour le blog énormément. Bon, le Facebook de C'est Fou et le Twitter de C'est Fou aussi. Mais le blog, où est-ce qu'on va avoir des textes? Et d'ailleurs, j'ai eu un premier texte hier, Scoop. Un joueur qui devait jouer aux Patriotes et qui finalement a fait faux bond à l'équipe pour s'en aller vers l'Université du Nouveau-Brunswick. Traître. Pour le nommer Marc-Antoine Desnoyers. Je peux dire que le coaching staff était pas très, très heureux de cela, mais c'est les joies et misères du hockey universitaire. Mais je peux te poser une question là-dessus? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui fait que tu choisis plus une université qu'un autre? Parce que les gars sont-tu payés? Ou? Non, les gars sont pas payés. Va avoir certains avantages au niveau des bourses d'études, au niveau... probablement que les joueurs payent pas leurs éducations, quelque chose comme ça. C'est une question... Si ça fonctionne comme ça, les gars, ils payent pas leur session? À ma connaissance, ouais, les gars payent pas leur session. Mais tu sais, c'est pas des salaires, puis les gars ont pas le choix de travailler l'été, puis c'est pas quelque chose qui est facile à être un étudiant, parce que surtout au hockey, critiquer, mettons, le soccer, mais le soccer, ça reste au Québec, ça reste qu'on va pas loin. Le soccer, l'hiver, ça se joue au Centre Alphonse Desjardins, il y a 8 matchs dans la saison, mais au hockey, c'est 28 matchs par saison, plus les playoffs, plus un voyage aux États-Unis, plus des exhibitions. C'est beaucoup de matchs, on peut compter pas loin d'une quarantaine de matchs par saison, sinon plus, et ça se joue pendant les études, et on va en Ontario les fins de semaine, donc oublie ça, travailler, il n'y a pas moyen de travailler une journée ici et là dans un stand à poutine, quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose qui est possible. Donc, dans le cas de Desnoyers, pourquoi l'Université du Nouveau-Brunswick? Premièrement, on parle d'un des meilleurs programmes au Canada, avec les Golden Bears de l'Alberta, probablement, qui sont deux excellents programmes. Il y a 2000, 3000 personnes au match de UNB. À chaque match. À chaque match, contre 200, 300 matchs des Patriotes. Si. C'est 10 fois plus, ça paraît. Il y a peut-être des différences au niveau du professionnalisme du programme, quoique il n'y a pas grand-chose à reprocher du côté des Patriotes. Patriotes, on est quand même bien classés. L'équipe va bien. L'équipe va quand même bien cette année, mais l'équipe va bien depuis des années et des années. C'est un programme d'élite au Canada au complet qui, chaque année, se démarque. Écoute, c'est du recrutement. C'est de la part des coachs là-bas, c'est de faire vendre du rêve. C'est tout le temps vendre du rêve. Puis dans ce cas-ci, ben UNB va recevoir le championnat national canadien cette année et l'an prochain. Donc, c'est deux années où est-ce que UNB sont assurés de participer au championnat. Okay. Donc, automatiquement, dans le cas de Desnoyers, ben c'est tentant. Sauf que le problème, c'est que Desnoyers là-bas n'aura pas un gros rôle. Il va être 5-6e défenseur. Lui, il arrive, Desnoyers, de l'East Coast Hockey League, qui est une ligue professionnelle aux États-Unis. Il a même joué un match dans la Ligue américaine cette année avec le club école des Blues de Saint-Louis. Mais il a décidé d'arrêter ça, revenir aux études, ce qui est très comprenable parce qu'il y a des bourses qui sont rattachées avec ça par rapport à la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui, si tu décides d'entreprendre des études universitaires après ton séjour dans le junior majeur, dans la première année suivant ton junior majeur, tu as droit à une bourse de X montant, je ne sais pas par cœur. Tu payes un peu pour aller quand même, pour rattraper ça, un c'est peu. C'est ça, c'est la façon pour la Ligue de hockey junior majeur de se rattraper sur le fait que ces joueurs méprisent leurs études pendant à peu près 4 ans, 3 ans, tout dépendant du temps qu'ils vont jouer dans la queue. Mais donc c'est ça, c'est tout à fait question de se faire vendre du rêve. Et du côté des Desnoyers, on semble avoir été attiré par les charmes de l'Université du Nouveau-Brunswick, des Reds, et son choix s'est fait. C'est dommage parce qu'il aurait pu être un défenseur c'est un défenseur offensif du côté des Desnoyers, quelques petites carences en défensive, mais qui se montre plus au niveau professionnel qu'au niveau universitaire, c'est un petit peu moins pire. Et malheureusement, on pourra pas compter pour lui, mais si tout va bien, on le revoit en avril. Au championnat national. Ou en mars, là, je sais pas, il est 15. C'est un gars qu'on pourrait avoir à la limite un jour, peut-être dans la Ligue nationale ou... Non. Mais c'est plate. Il a fait le cas d'entraînement du Canadien cette année pour te donner une indication. Non, mais coupé. Non, c'est pas. Puis je pense que pas mal tous les joueurs dans la CIS. Dans les SIC, je devrais dire, les sports états universitaires canadiens, ont fait une croix sur leur rêve de Ligue nationale. Donc, ils se rabattent à l'université pour entreprendre des études. Ils se rabattent à l'université parce qu'à un moment donné, t'as deux choix. Là. Quand tu finis ton stage junior majeur, t'as deux choix. Soit tu t'en vas vers l'universitaire soit tu t'en vas vers les professionnels parce que tu cours après ton rêve. Les professionnels, c'est la Ligue américaine. C'est la Ligue américaine, la East Coast Hockey League, la Central Hockey League. C'est des ligues de entre guillemets de développement, mais c'est des ligues qui sont très tough à jouer. C'est du 3 matchs en 4 soirs, du 4 matchs en 4 soirs. C'est physique, ça. C'est physique, c'est des ligues qui sont quand même tough. C'est de l'autobus, tu prends pas l'avion, c'est des hôtels miteux, c'est coucher sur le plancher d'autobus, c'est des organisations qui sont pas tout le temps professionnelles. Ils sautent de plus en plus, mais ça reste quand même que t'es loin, pas à peu près, là, c'est le jour et la nuit par rapport à la Ligue nationale. Donc, il y en a qui vont jouer des années, qui vont juste jouer du hockey professionnel, qui vont peut-être aller en Europe, qui vont se rabattre ici au Québec vers la Ligue nord-américaine de hockey. Ça, c'est tes premiers choix. Ton deuxième choix, c'est la Ligue universitaire. Le problème au Québec, c'est qu'il y a seulement 3 formations. McGill et Concordia. Ottawa va aller chercher sa part de Québécois. L'Université de Moncton va aller chercher certains Québécois aussi. C'est pas mal les débouchés du côté du Québec. C'est moins tentant du côté d'un Québécois d'aller en Ontario quand tu sais qu'il y a deux excellents programmes au Québec, en McGill et les Patriotes. Donc c'est ça, c'est l'autre choix qui est possible. Et dans ce cas-ci, lorsqu'ils quittent tout de suite et qu'ils s'en vont à l'université, ils ont droit à une bourse d'études de la part d'aller d'Hockey Junior Majeur du Québec. Ça leur permet de rester proche de leurs proches, là, c'est niaiseux à dire, mais rester pas trop loin. Et certains autres vont opter directement pour la Ligue nord-américaine de hockey. Le tout pour le tout, mais il y a des gars, je peux te nommer Sylvain Messier, qui est un étudiant ici à l'UQTR, qui avait été fortement recruté par les Patriotes et qui présentement évolue dans la Ligue nord-américaine plutôt que d'évoluer avec les Patriotes parce qu'il y a un salaire attaché à ça. Pour un étudiant universitaire, jouer un match peut être payé, je sais pas, 300$. 250, 300, 400$, ça te fait un bon petit sideline, t'en joues deux par fin de semaine. Si au bout de la ligne, t'as fait 600$, c'est la pièce pareille. T'as fait de l'argent pour faire ce que t'aimes. Fait de l'argent, puis je pense, si je me souviens bien, dans la Ligue nord-américaine, les joueurs sont comme des travailleurs autonomes. Okay. C'est leur statut au niveau du fait qu'ils sont joueurs, et c'est le pourquoi t'as un salaire, t'es déclaré, mais gars, 600$ par semaine pendant que t'es à l'école, c'est de quoi qui est très acceptable et très prenable. Sauf que dans la Ligue américaine, premièrement, c'est une ligue qui est tough, extrêmement tough au niveau des batailles, au niveau de l'indiscipline, mais c'est aussi beaucoup plus de matchs que du hockey universitaire. Donc, quelqu'un qui est à l'université, faut qu'il soit quand même discipliné pour jouer. Parce que celui qui est à l'université à Trois-Rivières ou qui est à l'université à Montréal et qui évolue pour le club de Saint-Georges-de-Beauce ou pour le club du Saguenay, non, c'est beaucoup de voyagements. Donc, ça prend une discipline, c'est sûr que certaine. T'as plus de vie. C'est ça ta vie. C'est ta vie. Mais gars, tu fais pas du 9 à 5. Non. Tu fais pas du 9 à 5 dans un casse-croûte ou dans un dépanneur le samedi puis le dimanche. C'est une autre façon de voir ça. De toute façon, ces gars-là, ça reste une passion aussi. Là. Mm. Fait que les heures, t'es compte un peu moins. Ouais. Ah non, c'est sûr. Mais ça, c'est... Fait que c'est pas mal ça, là, je dirais, les options qui s'offrent pour... Ou je veux s'arrêter. À un moment donné, ça se termine. OK. Ligue de garage, il sera... Ligue de garage, puis il y a des gars qui finissent junior majeur qui sont écœurés du hockey. Là. Du hockey, t'en joues depuis que t'as 4 ans. J'avoue, 20 ans, là. À un moment donné, t'as peut-être... Il y en a qui ont le goût de passer à d'autres choses. Mm. T'sais, surtout quand tu perds ton rêve. Il y en a gros des jeunes qui se font des accroirs, là. Mais c'est quoi le pourcentage de jeunes qui jouent dans le junior majeur au Québec qui vont atteindre la Ligue nationale un jour? C'est 1%. C'est pas plus que ça. C'est 1%. C'est pas beaucoup, là. Puis, tu rentres junior majeur, là. T'es la coche en dessous, mais la coche entre les deux est immense. Et seulement les plus talentueux, slash plus travaillants, vont pouvoir l'atteindre. Mais c'est un minimum et c'est aussi une question de timing et d'être à la bonne place au bon moment. Et... connaître les bonnes personnes, des fois. Mais tu sais, c'est juste si tu finis dans une organisation où il y a déjà 4 alliés droits en avant de toi, bonne chance pour faire ta place. Mais si tu te retrouves dans une organisation qui a 2 alliés droits en avant de toi puis qu'il y en a 2 qui vont se blesser, mais encore là, quand je parle d'atteindre l'année nationale, je parle pas des carrières stables, là. Ils vont peut-être jouer 10 matchs en Ligue nationale, là. Mais ça va être les 10 plus beaux matchs de leur vie. Les 10 plus beaux moments qu'ils vont vivre à ce moment-là. Ouais. Et un bon moment que vous allez vivre à la maison, c'est les causes de partie tantôt entre 9h et 11h, lundi. Avec Nicolas. Je vais te craper mon scoop pour mon émission, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va te retrouver ici même à Assemblage Requis une fois de temps en temps pour parler entre autres de ton émission. On va venir faire mon émission, mais on viendra faire. Je joue. je vous ferai des petites chroniques des fois, maintenant, le jeudi matin, avec Danny, les midis. De toute façon, je suis ici à temps plein maintenant, là, donc... Tu fasses de quoi? C'est ça, ça va me faire plaisir d'intervenir dans vos émissions, monsieur. Cool! Merci, Nicolas. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne émission tantôt. L'inconduit de partie à 9h. Nous, pour l'instant, on écoute Two Hours Traffic, François, avec Territory, et puis on revient avec le message d'intérêt public de la fin de l'émission. C'est comme genre le revoir, là. C'est comme le charbang. C'est plus beau dit demain. Ça l'est pas du tout, hein. Non, je sais. Ah oui. Ah oui? Ah oui. OK. Vous êtes à l'assemblage RIC. Territory de Tourage Traffic à Assemblage Requis. C'est la fin de l'émission de ce lundi, François. Déjà, la première de l'année a passé tellement vite. Ça n'a même pas d'allure. On se retrouve demain à 7h, comme toujours, avec qui donc? Personne. Non, nos chroniqueurs vont commencer, entre autres, la semaine prochaine. Donc oui. Je me demandais, là, crime demain, c'est... On grattait dans le fond des tiroirs. Personne. Non, personne. Mais c'est pas grave, on a plein de contenu pour vous. On va vous faire des petites chroniques bien sympathiques. Oui, demain, Nuit polaire. Je vous parle des Nuits polaires. Qu'est-ce qui s'en vient aux Nuits polaires? Évidemment, des faits inutiles dans la collègue, c'est un fait. On va peut-être se faire un petit poste d'écoute, peut-être parler de technologie un peu. Oui, avec le méga show qui a eu lieu en Californie. Oui, le CES. CES. Ça va de l'air intéressant. Ouais. C'est loin, par exemple. C'est un petit peu loin, c'est pour ça qu'on vous en parle dans la radio. Yes, sir. Restez sur nos ondes pour l'inconduit de partie avec Nicolas Ducharme à 9h. Ensuite, il y a le dîner de con avec Danny Janvier qui lui aussi commence une nouvelle saison hivernale. Oui, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, sur leur dîner, ils reçoivent Pascal Proulx. Ils vont parler de photographie. Ah! Oui, même dans le cadre des nuits polaires. Ça va être très intéressant, ça. Ouais. Plus tard dans la journée, il va y avoir... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce soir, Où c'est blanc, Où c'est noir à 20h. Oui. Le reste, l'horaire est plutôt variable. Allez voir sur cif.ca pour les dates de retour. C'est pas tout à fait le plus clair à comprendre, mais bon. Pas encore, mais ça va l'être prochainement. C'est ça, on laisse les choses se placer. Et on se retrouve demain matin à 7h. Pour l'instant, ben, les nouvelles de Radio-Canada vont nous suivre dans quelques instants. François. Mathieu Plante. Je te l'ai dit plus tôt, mais bonne année. Bonne année à vous aussi, grand nez. Puis, non, par exemple, là, les insultes sur mon nez, là, je suis déjà assez... Arrête donc. Complexé de même, ouais. Là. Tu viens de me vexer. Merci, Caroline, toi aussi. Ouais. C'est autre chose que t'aimes que ça? Ouais. Mon début de barbe, peut-être? Non. C'est plus beau. Toi, tes favoris commencent à être aussi longs que les miens. Pas pire, hein? Ils sont beaucoup trop longs, mes favoris, je trouve. Ben non. Je suis pour une coupe de cheveux. Arrête donc. Moi aussi. Ouais. Ouais, check. Moi, ouais, j'avoue que. J'ai perdu mon toupette. Ils sont plats un petit peu, là, François. Je veux pas te vexer, toi, non plus. Non. Ouais. Quand tu grattes le nez, c'est pas beau, man. Mais ça fait pas de bruit. Non! C'est pour ça que tu le fais dans le micro. C'est pour ça que je le fais dans le micro. J'adore ça. Allez voir le cif.ca pour la programmation complète et allez voir sur assemblagerequis.com pour télécharger la balado-diffusion et pour en savoir plus sur tous les liens qu'on a mentionnés pendant l'émission assemblagerequis.com. Passez une excellente journée. On se retrouve demain matin à 7h. Demain matin. Bye. Bonne journée. Bonne journée. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.